Le livre d'aujourd'hui, c'est Contes et légendes de Bretagne. Alors, il y a deux auteurs qui sont Anatole Le Braz et Paul Sébillot. Ils se partagent peut-être en gros la moitié chacun du livre, en gros. Alors, ce sont un certain nombre de petites histoires hein, qui font. Je sais pas, quelques dizaines de pages pour la plus grande, la plus longue. C'est-à-dire 30 pages, même pas. Et puis 2 pages pour les plus courtes. En fait, celles d'Anatole Le Braz sont beaucoup plus longues, font en moyenne au moins 10-20 pages. Alors que celles de Paul Sébillot sont très très courtes. On dirait d'ailleurs que lui, il les a qu'on y a récolté, je sais plus quel est le terme. Il s'est attaché à ne pas en rajouter, je pense vraiment à prendre la légende dans toute sa simplicité. Et ça fait la grosse différence. Alors que celle d'Anatole de Braz, il a enrobé. Alors, enfin, difficile de dire, je peux pas dire quelle était sa matière de départ, mais en tout cas, il en a fait de belles histoires très finement racontées. Alors que pour Paul Sébillot, on va droit au but, et d'où le fait qu'il y ait 2 pages par conte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour Paul Sébillot, il y a carrément des déclinaisons. C'est-à-dire qu'on a une légende, et puis une deuxième, une troisième, et on a l'impression de revoir la même. Ah, puis non, il y a une petite chose qui change. Et donc ça, c'est assez amusant, parce qu'on voit en fait. Qu'il y avait une même légende, c'était déjà déformée à l'époque. Elle date de fin des années 1880 par là, je crois. Donc fin du 19e pour Paul Sébillot. Pour les autres, je crois pas qu'il y ait de date. A priori, plutôt Bretagne Nord, entre le nord de l'Ille-et-Vilaine et Côte d'Armor. Pour Paul Sébillot toujours. Car pour Anatole de Braz, on sait pas. On sait pas. Bon, on a l'impression que c'est plus ses histoires à lui, même si c'est sans doute inspiré de l'histoire bretonne. Bon, pour l'instant, j'ai pas dit grand-chose dessus encore. C'est très varié, hein, en fait. Hein. Et l'intérêt lui-même aussi change beaucoup suivant les histoires. Ce que je dirais, c'est que bon bah, ça mérite d'être lu parce que certaines histoires sont vraiment géniales. Elles sont, on a l'impression de dire du Maupassant, c'est ça, c'est un peu stressant. Bon, alors là, je parle de celles d'Anatole Le Braz. Hein. C'est un peu stressant. Y a une ambiance, quoi. Il y a une ambiance. On rentre un peu dans l'imagerie bretonne, la culture, la vision religieuse, etc. C'est assez. C'est instructif, mais en plus, ça crée une certaine. On est dans l'histoire, quoi, pour certaines d'entre elles. Ouais. Donc c'est, puis surtout, c'est Anatole Le Braz raconte à qui il parlait, qui lui-même a raconté de. Donc ça compense un peu le fait qu'on n'ait pas l'information de façon aussi précise que pour Paul Sébillot à la fin des histoires racontées par un tel à tel âge, en telle année, à tel endroit. Donc ça c'est pour les histoires d'Anatole Le Braz. Donc certaines sont envoûtantes, surtout. Bof, mais en tout cas elles sont bien écrites et c'est très bien écrit, oui, ça m'a frappé. Enfin, bon, je devrais pas être étonné si je connaissais Anatole Le Braz sans doute, mais comme je connaissais que de nom, ben, je trouve que c'est bien. Et puis pour Paul Sébillot, ben alors là c'est droit au but, c'est très très très court, très bon. Là c'est plus sans doute un intérêt quasiment anthropologique. C'est-à-dire qu'on rentre, l'histoire en elle-même n'a pas un intérêt d'un point de vue fictionnel. Elle est très courte, on rentre pas vraiment dedans, enfin on n'a pas le temps. Et bon bah voilà, on a l'histoire tout de suite. C'est par contre pour s'entraîner à broder au-dessus, c'est sans doute de bonnes légendes. Ouais. À raconter à des enfants, pour sans doute intéressant, faudrait creuser. Mais surtout les déclinaisons, toujours les mêmes personnages qui reviennent, le diable, Le diable beaucoup. La fille du diable qu'on enlève au diable, qui paraît toujours gentille, la fille du diable, c'est assez amusant. Dieu non, mais le diable oui. C'est amusant. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai retenu? Oh, une très belle histoire de... Ah, je vais essayer de trouver le titre. Une histoire de passeur au niveau de l'estuaire du Tréguier, la rivière qui est entre le... Entre le Trégor, c'est-à-dire l'ouest de la partie qui est un peu boursouflée au nord de la Bretagne, et le... Merde, attends, Éole, non, c'est pas Éole, c'est... Bon, ça ne me revient pas. Et voilà, ça s'appelle L'aventure du pilote. Très très bien. Une bonne ambiance de stress. Maupassant, parfait. Enfin, vraiment, ou Poe, même, il faut que je relise Poe, mais enfin, ça date un peu. Une autre histoire qui est très très bien, c'est L'hôte du charbonnier. Ça, c'est très très bien. Je crois que c'est ça, oui. Ceux de la Gorgone, je me souviens plus. Bon, la première moins bien, mais ensuite, je crois que c'est pas mal, hein. Bon, le charbonnier, l'aventure du pilote m'ont bien plu. La foire grasse est assez amusante, un peu surréaliste, immorale, pas du tout stressante. Et puis les Pâques, alors là, c'est un petit bijou, les Pâques de Loul Vraz, une histoire de cloches qui partent. Le sacristain qui affirme que les cloches vont vraiment à Rome pendant Pâques. Bref, un pari dans un village et une histoire un peu surréaliste où les cloches y vont vraiment, mais on se demande, enfin, on mélange notamment par la vision de la femme du sacristain qui voit les cloches partir et qui est persuadée que son mari est parti sur les cloches et puis qui remonte vérifier parce qu'elle se dit c'est pas vrai, j'ai aberlu et qui voit les cloches à nouveau comme si elles n'avaient pas bougé. Et ça, c'est marrant de laisser des doubles interprétations, je dirais. Bon, même si... Bon. Non, c'est intéressant. Voilà. Et dans les histoires de Paul Fébillot, il y en a un grand nombre, hein. Déjà, elles sont plus nombreuses, c'est très très courtes. Ouais. La fille du diable. Ouais, il y en a qui s'appellent la fille du diable. J'avais bien retenu ça. Ouais, non. C'est pas bon, c'est intéressant, mais plus à raconter à des enfants, puis on a envie de savoir quelle était l'idée derrière, quelle était la. Il manque sans doute quelque chose pour bien en profiter, à moins qu'elle représente uniquement un canevas sur lequel on laisse divaguer son imaginaire, je ne sais pas. Donc voilà, donc un livre de combien à peu près? De pages. Voilà, moins de 200 pages, 190 pages en gros. Ouais, intéressant. Intéressant, c'est un petit livre à 2 euros. Maxi Poche, Contes et Nouvelles. Avec une très très très belle couverture, par contre. Voilà, donc un livre sympathique pour rentrer un peu dans les histoires bretonnes. Voilà, Contes et Légendes de Bretagne. Et puis sur la tranche, c'est... Ah oui, mais la collection de Maxi Poche, c'est Contes et Nouvelles. Donc voilà. Effectivement, ils sont plus de droits d'auteur sur tout ça. Voilà.